je demande pas une trêve à l'ennui. Je recherche pas le sommeil la nuit. Je demande pas qu'on me tende mon choix. Je joue pas les jeunes filles sensibles. Et si toi, tu m'as laissé choir, je demande rien qui soit impossible. Je voudrais bien. Déjà un